La tortue et le serpent. Le serpent voit la tortue dans sa carapace. Tu ne peux pas rester tout le temps dans ta carapace, dit le serpent. Sors. Mais c'est ma maison, dit la tortue. Le serpent s'approche de la tortue. Regarde-moi, dit le serpent. Je n'ai pas de carapace. Viens ramper dans l'herbe comme moi. La tortue sort de sa carapace. Elle rampe dans l'herbe. J'aime bien ramper dans l'herbe comme le serpent, dit-elle. Les abeilles voient la tortue. Les abeilles volent autour d'elle. Bzz, bzz, bzz. Allez, décrit la tortue. La tortue se cache sous une roche. La pluie tombe. Le vent souffle. J'ai froid, dit la tortue. Je vais dans ma carapace. La tortue va dans sa carapace. Elle regarde à l'intérieur. Le serpent est dans sa carapace. Ce n'est pas ta carapace, dit la tortue. Dehors, dehors.